Par exemple, je suis pas fan, mais des fois, ça fait du bien d'écouter. Ah ouais, bien sûr, ça soulage. Mais c'est que là-dedans. D'accord, ouais, ok. C'est vrai que... D'accord. Ok. Merci pour cette intervention. Je t'en prie. Rizzo. Du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Ouais. Mais je vais te faire travailler un petit peu. Ouais. Parce que depuis quelques temps, on s'amuse un peu, tu vois. On a fait un petit jeu, c'est la rime facile. Donc on va te faire gratter. Ouais. Je sais pas si t'écris sur téléphone ou sur téléphone. Papier. Donc en fait, on va t'imposer 10 mots. Ouais. Donc moi, j'en ai noté 6, puis je vais en laisser 4 à Jounès. Donc ouais. Les miens, ils sont plutôt sympas. Et puis après, bon courage avec Jounès, je te préviens d'avance. Aujourd'hui, je les prends dans la timeline Twitter. Okay. Il est toujours chaud et chiant, de toute façon. Très bien. Hop. Donc, je te dis les 6 mots que j'ai sélectionnés déjà. C'est simple, c'était avec tes clips. Hein. C'était avec tes clips et puis toi. Ouais. Toi, tu vois. Donc, le premier mot, c'est péripétie. Tu le mets au singulier ou au pluriel, comme tu veux. Ouais. Il y a ville. Il y a billet. Il y a Colombie. Ouais. Il y a tatouage. Il y a confession. Jounès. Alors, Andy Delors. T'as dit quoi ? Tu connais Andy Delors ? Non, c'est pas Andy Delors. Quotidien. Lui, il est juste là pour faire chier, en fait. Ah ouais, frère, quotidien. C'est une galère vivante. Quotidien. Tu l'as, quotidien ? Je n'ai combien ? Je n'ai 4 ? Ouais, quotidien, c'est bien. Vita. Mmh. Ouais. Bernabéu. Vita avec Etron. Et tu connais pas Bernabéu ? Vas-y, on change. Al Capote, tu connais ? Ouais. Al Capote. T'es allé chercher ça sur Twitter. Ouais, c'est normal, ça a le niveau, quoi. Les anges. Les anges. Et claquettes. Ouais, ça a vraiment le niveau de Twitter, en fait. Non, mais c'est ce qui est hanté. Les anges et claquettes. Tu peux quand même lui dire c'est qui le bouc, non, quand même. Ouais. Alors, Andy Delors, pour que tu saches dans la direction que t'arrives, c'est un mec qui a été sélectionné en équipe d'Algérie. C'est ça. Bachir. Hein, qui n'était pas prévu en équipe d'Algérie. Il y en a un s'est fait virer pour remontrer son boule. Alors, il y a Andy Delors qui a été sélectionné. Au cas où. Hein, ok, ça marche. Mais toi, t'arrives avec des galères, frère. Merci pour l'actu. La merde, tu sais quoi, Twitter. La twittosphère. Ouais, la twittosphère. T'sais. Donc, du coup, j'ai encore 2 morceaux à passer. Ouais. J'avais les fruits du bazar. Ouais. Et billet mauve, du coup. On commence par lequel ? Billet mauve. Ok. Mais les fruits du bazar, faut les mettre dans une corbeille. Voilà. Alors, on a des super blagues aussi dans la 25e. Donc, je vais passer billet mauve en premier. Après, je mets les fruits du bazar. T'as à peu près 7 minutes pour gratter ton petit texte. Ouais. Je fais passer les morceaux. Après, c'est à toi. Soit tu le fais en acapella, soit sur une de tes prods. Ouais. Et puis après, je balance le freestyle. T'as ton quart d'heure de freestyle. C'est bon pour toi ? Ça marche. Yes, la 25e spéciale Kirikou ce soir, radiosud.net 101.8, il est 23h03 exactement. Bon, on a commencé en retard parce que Jounès, il a mis 30 minutes à se garer. Évidemment, on les connaît. Quand il est arrivé, il n'était pas là. Voilà, donc c'est Kirikou, billet mauve, et après je vous envoie les fruits du bazar. Yes, la 25e. Je te dirai que je vais bien. Ne crois pas en ces mensonges autour de toi avec des chiens. Ils veulent que je plonge pour récupérer mon butin. Toi t'es trop naïf pour penser que tout va bien. Toi tu penses me connaître en m'appelant frangin. Tu connais pas mon mal-être donc tu sers à rien. Encore aujourd'hui à la recherche d'un médecin. Tu perds pas la foi du chemin de la guérison. Toi t'as commis des erreurs, trouve le chemin du pardon. Mes douleurs apparaissent que quand y'a du tonnerre qui gronde. J'emmerde ceux qui pensent que c'est de la paresse. Toi t'es trop excité à cause le nez dans la cesse. Les adultes sont comme les enfants, ils savent même pas quand ils blessent. Quand j'ai mal chuché t'en appelles mon Hadès. Quand j'ai mal chuché t'en appelles mon Hadès. Aujourd'hui je ressens plus la douleur, je m'emballe avec de ma maladresse. C'est envers le diable, je lui ai fait une promesse. Que je l'emmerde jusqu'au jugement dernier, devant lui en état d'ivresse. Je sais que Dieu va pardonner, même dans l'or j'arrive pas à paumer. Je perds pas la boussole, tu m'as joint de chez moi, tu verras et t'assommes. Alors tous les soirs ça baraude, à la recherche de billets mauves. Alors tous les soirs ça baraude, à la recherche de billets mauves. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Du bif, du bif. La poisse me colle à la peau, j'y repense quand j'ai un mal de dos. Comme se faire trahir par un poteau. Devant toi il te fait la bise mais pas d'air, il veut pêche au tago. T'as fini en 20 ans alors qu'hier tu l'appelais mon frérot. 2018 les temps changent, 2018 les gens changent. Tu t'es fait avoir par ton propre reflet. Aujourd'hui c'est ton strap que par intérêt. Et tu repenses quand t'as donné de nez. Aujourd'hui dans la demeure, plus personne à tes côtés côtés. Tu repenses au temps perdu sur le rein terrainté. Je fume c'est pour me barrer de la terre. Fais pas le gros si c'est location, j'habille au bord de la mer. Le monde part en couille, on s'habille que pour plaire. Mon seul but dans la vie c'est de les rendre fiers. Continue ma passion sans oublier la prière. Peu importe ta religion, y'a que Dieu qui éclaire. Ça s'entend, c'est sévère et le chétan qui nous guide dans un verre. L'alcool c'est pas de l'eau, tu te mets en colère. Heureusement que pour moi j'étais entouré d'êtres chers. Le monde tourne à l'envers, c'est au plus gentil qu'on jette la pierre. Depuis tout petit à la recherche des lobés. Depuis tout petit j'ai mangé le pavé. J'étais celui qui dépouillait le plus épave de ta soirée. J'avais les crocs, je voulais manger. J'étais malin, j'adorais voler. Pioché dans un sac à main pour quelques billets. Maintenant c'est fini, je vais vous raconter mon passé, mon présent, mon futur. Tu peux t'en sortir, j'ai vu des vrais hommes sortir de la hure. Alors tous les soirs ça baronne, à la recherche de billets mauves. Alors tous les soirs ça baronne, à la recherche de billets mauves. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Du bif. Alors tous les soirs ça baronne, à la recherche de billets mauves. Alors tous les soirs ça baronne, à la recherche de billets mauves. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Comme un loup je suis furtif, jusqu'à la recherche du bif. Du bif, du bif. Émission spéciale Kirikou, c'était billet mauve. On envoie directement la suite. C'est les fruits du bazar. Il est en train de nous gratter la rime facile. Comme d'hab, vous connaissez. On lui a imposé 10 mots. Il est en train de gratter de son côté tranquille. Nous, on va s'écouter les morceaux. Yes, la 25e. À ce moment-là, c'est mon esprit qui va gambader. Je viens de loin, je suis un vagabond. Je viens des bidonvilles, j'atterris à Bezac, centre-ville. Où y'a les vendeurs, les victimes et les pocherons. Regarde sur bas côté, il y a une arrestation. Aujourd'hui, j'ai plus le temps pour ces conneries. C'est plus le diable qui m'attire. C'est fini les vols à la tire. J'ai compris la leçon. Je suis passé à deux doigts de la prison. Et le lendemain, on m'annonçait que j'étais daron. J'ai compris qu'un jour, je devais arrêter le pilon. Arrêter de faire du mouron pour se faire des ronds. Ta vie est comme la terre, t'arrêtes pas de tourner en rond. Ressasser le passé qui s'est mal passé. Mais t'es pas le seul mot refré. Des fois, j'ai être dans un cercueil pour savoir qui sont les vrais et les faux. Avec leur orgueil, je m'en bats avec des gens qui me portent l'œil. Il faut tout pour faire un monde. Tu ferais tout pour passer sur les ondes. Quand la rage m'envahit, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est d'aller écrire ou d'aller rouler un pet. J'en ai tellement marre, ma vie un vrai cauchemar. Mes galères sont pas venues avec les fruits du bazar. Posé comme un lézard, rien à foutre qu'on me trouve bizarre. Toujours seul face au blizzard. J'en ai tellement marre, ma vie un vrai cauchemar. Mes galères sont pas venues avec les fruits du bazar. Posé comme un lézard, rien à foutre qu'on me trouve bizarre. Toujours seul face au blizzard. La colère, c'est un sentiment que faut savoir contrôler. Sinon tu finiras en GAV. Et cette violence, ça finira au parquet. Même les plus petits gens sont les plus énervés. Dans ma vie, j'ai vécu des choses qui m'ont marqué. Comme perdre un ami et ses 17 ans d'amitié. Comme j'ai fait la bise à un refrain. Et que le lendemain, j'ai appris qu'il s'est fait renverser. L'ange de la mort est toujours à nos côtés. Il s'en bat les reins, qu'on soit bien coté. À l'ancienne, coûte que coûte, aujourd'hui ça se trahit. Pour des sous ou pour une zouze, fais bellec à ton ami ou à ton cous. J'ai des amis tarés qui te sortiraient le 12 pour une paire de choses. Pendant que toi tu trahis pour avoir du flouze. Plus personne te respecte, c'est la loose. Arrête de te raconter une vie, va à Bezac centre-ville. Tu verras tous ces clochards et leur histoire de vie. Tu crois plus en tes rêves pendant qu'eux sont obligés de boire ou prendre des somnifères. Pour croire en mille et une nuits, pendant que toi tu te souviens plus tous tes week-ends à force de prendre des cuites. Fais pas la intelligent, t'as cerveau plus petit qu'une huître. Tu crois tu sers à quoi quand tu tiens le pupitre. Écoute ce son, c'est un nouveau chapitre. J'en ai tellement marre, ma vie un vrai cauchemar. Mes galères sont pas venues avec les fruits du bazar. Posé comme un lézard, rien à foutre qu'on me trouve bizarre. Toujours seul face au blizzard. J'en ai tellement marre, ma vie un vrai cauchemar. Mes galères sont pas venues avec les fruits du bazar. Posé comme un lézard, rien à foutre qu'on me trouve bizarre. Toujours seul face au blizzard. Les fruits du bazar. Je guette depuis depuis la fenêtre, la réalité. Pour entendre des faits divers, j'ai pas besoin de quitter le quartier. Encore y'a pas longtemps, en bas de chez moi, un homme est décédé. Ça m'a fait rappeler que la vie c'est sacré. Nos vies qui nous malmènent, on se pose des questions, on traite la vie de chaîne. Pour s'apaiser, on met la rage dans le CB. Très tôt j'ai quitté l'école, car l'argent m'a obsédé. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La 25ème, on est là comme d'habitude depuis février, tous les jeudis de 22h à minuit. Il est 23h10, on est toujours avec Kirikou, on a pris l'antenne un tout petit peu en retard. Pas de souci, il a eu le temps de nous gratter la rime facile, donc pour ceux qui viennent d'arriver. Ouais, j'ai pas fini, il manque 2-3 mots. Ouais, bah t'auras une note, hein. Si te manque 3 mots, ça fait un 7 sur 10, c'est pas mal, c'est passable, c'est... Tu payes ton snack. Voilà. Je paye, donc, Food Night, si tu veux. Food Night, on a un nouveau partenaire. C'est où ça, c'est où ça? C'est au 408, okay. C'est à côté de la formation au 408. Ok, Food Night. Ouais, okay. Livraison ou à manger sur place. C'est un vide, vous livrez? Hein? Ouais, faut mettre un billet quand même. Donc je rappelle les mots qu'on t'avait imposés. Donc il y avait péripétie, ville, billet, Colombie, tatouage, confession, Al Capote, Vita, quotidien, Vita, claquette, et je sais plus, gros. Et Ange. Et Ange. Les anges, ouais. Mais ce que j'ai pas, c'est Al Capote, Vita, Ange et claquette. En fait, c'est tout tes mots. En fait, c'est tout tes mots. Tu m'as pas respecté. Il n'y a aucun mot. Voilà. En fait, tu m'as fait chier, donc je te fais chier maintenant. Voilà, c'est tout. On est parti ou quoi? Ouais. Attends, je vais baisser le volume. C'est parti, la rime facile de Kirikou en a cappella. Non, tu peux mettre une. Je te mets une prod. Ouais. Ok, alors c'est parti, mon gars. Vas-y, je te la fais. Je mets n'importe laquelle. Ouais, n'importe. En beatbox. La rime facile. Voilà, tu vois. Kirikou, ouais. La 25ème. Ouais, Kirikou. La rime facile. Mon quotidien est une péripétie. Quand je suis pas bien, je regarde mes enfants et ça me redonne le sourire. Je suis posé dans la ville à la recherche de billets, à la recherche de mes racines. Mes racines sont en Colombie, mon passé est bien ancré. Mes tatouages, je peux le prouver. C'est dans le rap que j'ai fait ma confession. C'est là où je me sens le mieux, j'ai plus besoin de pilon. C'est bon. Pardon, excuse-moi. J'étais absorbé par les yeux de Jounès. Donc pour moi c'est un 7 sur 10 du coup, hein. Un 6 sur 10, parce qu'il t'en manque 4, hein. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, donc 1, ok, ouais, un 6 sur 10 toi tu mets? Moi je mets un 6 sur 10. Il a boycotté mes mots, je lui mets allez, 5, tout juste la moyenne. 5, ouais c'est passable quoi, passable. Tout juste la moyenne, tout juste. J'ai toujours eu 5, j'ai toujours eu la moyenne, ça va tranquille, je suis content. Tu veux pas nous leur faire a cappella, prendre ton temps? En même temps, je vais activer la vidéo, comme ça on l'aura en vidéo. Ouais. Attends, je m'installe. Vas-y, c'est parti, c'est bon. Ok. Mon quotidien est une péripétie. Quand je suis pas bien, je regarde mes enfants et ça me redonne le sourire. Je suis posé dans la ville à la recherche de mes billets, à la recherche de mes racines. Mes racines sont en Colombie, mon passé est bien ancré. Mes tatouages, je peux le prouver. C'est dans le rap que je fais ma confession. C'est là où je me sens le mieux, j'ai plus besoin de pilon. Aïe, la rime facile, Zer. C'est parti ou quoi? T'es un gars bien. On envoie le freestyle ou quoi? Ouais. Ouais, c'est parti. T'es vraiment un gars bien. Merci. Kirikou dans la 25ème. Ouais, dans la rue. Ok. Dans la rue, j'ai passé des heures à marcher, comme finir au comico sans lasser. Tu me parles de tes problèmes avec ta pute, vous êtes enlacés. pendant que mon meurtre rap s'était mis avant de lasser pour un jour atteindre son rêve de s'acheter la dernière classée. Dans la rue, il s'est surpassé, c'est contraire à mes principes, pourtant je l'ai pas lâché. J'adore la vitesse, je m'en fous de me faire flasher. C'est bientôt le week-end, un petit flash, on est OP. Encore un contrôlé sans remet sur mon dossier. Je m'en balèque de ce que tu penses, regarde ma gueule, rime avec préjugé. Je me suis fait tout seul étant petit, plus évité qu'invité à force de se faire tromper. La méfiance est installée envers la gente féminine, je sais plus comment penser. Heureusement que j'ai mes enfants, sinon ma vie serait risquée. Combien de fois j'ai rêvé de tout barrer, me plaquer. Mais c'est pas la solution, c'est comme croire qu'un jour l'alcool ça va aider. Mais putain, change d'opinion, arrête de trop donner. Les gens te prennent pour un con, tu t'es fait balader par une chienne qui veut juste tes ronds. Et au final tu douilles quand tu t'en rends compte. Ne me parle pas de la femme de ta vie que t'as trouvée sur un site de rencontre. Tu crois en mille et une nuits, mais en vrai elle vide tes comptes. Elle veut la vie d'Aloca, elle a pas compris que t'as passé la plupart du temps dans un local, mettant des grammes dans un bocal. Moi l'instru, je la baisse, c'est bestial, c'est comme un contrôle, c'est banal. La jeunesse est en train de souffrir et tire sur le pet. On repense au passé, on oublie l'avenir et l'histoire se répète. La jeunesse est en train de souffrir et tire sur le pet. On repense au passé, on oublie l'avenir et l'histoire se répète. J'ai passé du temps à courir ayant peur de crier mon dernier soupir. C'est les plus malheureux qui te lâchent un vrai sourire et les plus heureux qui te lâchent un vrai soupir. Tu crois que le shit est bon, mais c'est ta vie que t'es en train d'effrite. On le sait tous que même quand t'as plus un rond, tu préfères fumer que de taper un grec frite. À force de fumer, t'oublieras tes bons souvenirs et tu repenseras qu'à tes mauvais délires. Pendant que moi, je suis posé sur un banc là où le ciel est gris. J'écris pour passer le temps, c'est mon passe-temps. Je peux même pas vous le décrire. C'est pas ton âge, mais ton vécu qui te font mûrir et donc que souffrir. Alors que toi, tu me fais le costaud. Alors que toi, étant petit, on te prenait comme sous-fifre. Pas besoin d'attendre la fin de semaine pour se mettre une cut. Il est que 21h et elle est condée. Pas besoin de vous raconter la suite. En ce moment, je cogite, j'ai trop maigri. Voilà les cernes. Heureusement que j'ai ma lueur, ma petite lanterne. Quand je vois l'inspecteur, je me dis encore un tour à la caserne. La jeunesse est en train de souffrir et tire sur le pet. On repense au passé, on oublie l'avenir et l'histoire se répète. La jeunesse est en train de souffrir et tire sur le pet. On repense au passé, on oublie l'avenir et l'histoire se répète. Kirikou dans la 25e. Dans la rue. Pull up ça. Kirikou ouais. Dans la 25e, c'est sûr. J'ai dit à un ami, il y a que lui qui va se reconnaître. Chaud. Non, c'est pas toi, Jeunesse. Nostalgie de la bonne époque, on riait devant le proc, on courait devant les ports. À l'époque avec 5 E, tu étais content devant tes potes. Aller à l'épicerie, acheter des bonbons, puis t'as grandi, c'est de la puff, ce putain de pilon. Tu t'en rappelles quand on jouait au loup ou à la gamelle? On s'endormait devant les schtroumpfs, on rigolait devant Gargamel. Y'avait les chemises, fallait qu'on court avec le shit dans la semelle. On était jeunes et turbulents, à chacun suffit sa peine, collés comme des aimants. Ta vie c'est la mienne, à traîner comme des chiens errants, même quand la vie nous faisait des siennes. Rappelle-toi l'époque du collège, on en a foutu du bordel. Toujours inséparable, même quand c'est toi qui a commis les faits. Je défendais l'indéfendable, personne ne t'aimait car tu n'étais pas aimable. Combien d'heures passées dans ton hall à compter comme des comptables, à se demander pourquoi nos vies étant instables. On a grandi avec les mains sales, d'où l'on vient y'a pas d'hasard. Tu peux faire des grandes études, finir au cachot, au cimetière où te retrouver. À la case départ, avec mon sauce, quand y'avait les Schmitt, on mettait le mode guépard. On s'en foutait des meufs, on préférait compter le genre art à la chaîne que des Yankees dans ton tel, que des chiens qui t'envient. On n'avait pas le temps d'aimer, livré à nous-mêmes, bien avant notre majorité. Écoute ce son, c'est la réalité, mon frère et moi, c'est la même, on voulait juste piner. T'attaches pas à nous, tu vas bien le regretter. On a fait couler des larmes, même pas une seconde, on s'en est soucié au centre-ville avec une arme. À nous deux, on a un lourd passé, depuis petit peu, on a la haine par des galères, on est passé. L'amitié, c'est une chose où faut pas se louper. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses refrains. Si un jour tu te fais tromper, car c'est toi qui t'es trompé. Avec mon rôle, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Combien de Noël, d'anniversaire, des bons souvenirs. On a dû à deux, à ce moment-là, on a compris que la vie était pas un jeu. Puis on a grandi, on est devenu père de famille. On a stoppé les blunts à la vanille. Aujourd'hui, notre vente a arrêté de crier famille. On a grandi, arrêté de traîner sur le terrain. On a enfin compris pourquoi faut se lever tous les matins. Chaud. Kirikou. Conscient, t'as dit. Ouais, toujours. Allez, je t'envoie la dernière. Je me promène. Kirikou dans la 25ème. Yeah. Je me promène, je fais un tour, faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. Autour de moi y'a que des vautours. J'ai connu les rabatteurs au pied de la tour. J'ai connu les petits qui sifflent quand les schmittos aux alentours. J'ai connu des poteaux qui sont finis assis au fond du four. J'ai connu l'argent sale qui au final te rendra sourd. J'ai connu des gens malades. Pour du shit, serait prêt à tout. Moi j'ai vu des poteaux finir sous écrou. Moi j'ai vu des gens devenir paro sans repère avec même pas un euro. Moi j'ai vu des accidents tragiques où la mort t'enlève la vie. Tout peut basculer, c'est pas de la magie. J'ai connu les courses-poursuites avec les civils. J'ai connu le retrait de permis à cause de l'alcoolémie. Pourtant étant petit, je voulais faire des hits. J'ai fini par vendre du shit, mais tout ça c'est fini. Je suis devenu père de famille, respecter les femmes. Je l'ai enfin compris grâce à l'arrivée de ma fille. Grâce à l'arrivée de ma fille, j'ai connu et j'ai connu et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu et j'ai connu et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu et j'ai connu et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu et j'ai connu et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu la dureté du daron, à péter un câble, à vouloir fuguer de la maison. J'ai connu l'échec scolaire où le chétan se cachait au fond du verre. Moi, à 12 piges, j'ai vu mon premier revolver. 2 ans plus tard, un incendie, ça finit devant le commissaire. J'ai connu les coups de pute entre êtres humains. À 14 piges au centre-ville, arracher des sacs à main. Aujourd'hui, je me suis rangé, j'ai un gamin. Arrêtez de bigrave des sangers sur le terrain. Sur le terrain, j'ai connu, et j'ai connu, et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu, et j'ai connu, et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu, et j'ai connu, et j'ai connu, j'ai pas tout vu. J'ai connu, et j'ai connu, et j'ai connu, j'ai pas tout vu. Merci mon gars. Merci à vous. Bien joué, bien joué. C'était la session freestyle. Kirikou. Ouais. Beaucoup de guitare, hein. Beaucoup de guitare. Du bon, et... du ouais. Bon. Bonne prod. Bonne sélection de prod pour du rap conscient, c'est bien. Merci. Kirikou sur la 25e. Un petit big up avant de nous laisser. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci Radio Sud, la 25e. Merci à Chao, Junes. Et j'oublie comment tu t'appelles. Rizzo, frère. Rizzo. Merci à Digno. Merci à tout le monde. Puis voilà, ça fait plaisir, c'est gentil. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux? Ouais. Alors Snapchat. C'est Kirikou Kolo. Kirikou Kolo sur Snap. Ouais. Sur Facebook, c'est Dairon Kirikou Colombie. Ok. Et puis sur Insta, c'est pareil. C'est Dairon Colombie. Juste Dairon Colombie. Et ta chaîne YouTube, c'est quoi? C'est Kirikou Bezak. Kirikou Bezak. Ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à aller voir, aller jeter un coup d'œil, ouvrez vos oreilles et puis voilà quoi. Hein. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer des messages, tout ça. De toute façon, il y a plein de petits projets, des clips qui vont arriver. Donc, okay. On se force à lui, c'est un bug avec une vraie histoire. Yes, il faut s'abonner les gars. On va faire un film. Allez dessus, c'est un bug avec une vraie histoire qui a des trucs à dire. Donc là, je vais laisser l'antenne tout doucement à Rizzo. Je fais une petite pause, on va prendre nos photos au calme. Ouais. Et puis mais après, on... Colo. Colo, Colombie. Avec ma fine équipe de... Ah, comme Nkolo Conte. Kolo Touré, ils sont peut-être colombiens. Voilà. Donc là, c'est le moment de couper le micro de Junes parce qu'il part en... Totalement, coupe-le. Okay, coupe-le tout de suite, baisse sur la table. Une petite trêve musicale. Baisse sur la table. Et puis après, fais comme s'il était en retard. D'anaconda qui ont la grosse dalle. Y'a plus de respect madame, mais beaucoup trop de coquettes. Des vrais mammifères d'âme, des boss du pickpocket. Oui, agique, mais j'débute tout doux, ok. Pour niquer le game, je vais insister. Choquer les frères et les sistes à la galère au mal qui nous incite. Un max de billets dans la tête de tous les jeunes de cité. Où je vis, c'est la jungle, clair sur city zone épistée. Déterminé, j'arrive lourd. J'rappe pas pour les sous, j'rêve de rouler sur l'or et de faire bouger la foule. J'traîne avec mes vrais, je m'en fous de vous, des sujets tabous. J'fais mon rap tranquille, j'me défoule. J'vais me voir en tête du tableau. Des réglos, je suis réglo. Mec, c'est comme ça que ça se déroule. J'ai des qualités, des défauts. On trouve souvent, j'suis à mes cool. J'reste près des vrais, j'me garde au défaut. J'fais du lourd tout seul, j'me débrouille. Rester des heures posté devant le bat. Gringo demande pas pourquoi ça rouille. Tactique flow de spi à la Neymar. Tastique mal direct, je te guélard. J'vis ma vie tranquille. Qui je me plains pas, plus tard je vais me voir sous des tropicaux. Gros cigare cubain dans la bouche, accompagné de quelques gringas. Sirotant des jus tropicales, que t'es blanc, black, mec, ça m'est égal. La concurrence est sous mes semelles, comme une merde sous sol, je les étale. Banquette arrière ou bien à l'hôtel, c'est ma soirée ce soir, c'est moi qui régale. Je suis posé, je suis dans mon del, rien à foutre du reste, vas-y, remballe tes blabla. J'arrive en bas, le papa, ça y est, t'as ressenti la tâte pas. J'arrive en force, t'en mêles pas, Nacré suit toujours le tempo. Écoute pas, mec, même si t'aimes pas, N-A-K-R. Semi-auto, le rap français va perdre des chicots. Lève tes bécanes, fais fumer le pot. Le bruit du 2 temps me donne le barreau. Le bruit du 4 temps me donne le barreau. J'vis ma vie tranquille, j'me plains pas. Un jour ou l'autre ça paiera. J'prends mon temps et j'te fuck, mec. Même si ça te plaît pas, faut avouer que ça nique tout. Le temps ici ça m'étouffe. J'me barre d'ici, j'oublie tout. Tu cours jusqu'au dernier souffle. J'vis ma vie tranquille, j'me plains pas. Un jour ou l'autre ça paiera. J'prends mon temps et j'te fuck, mec. Même si ça te plaît pas, faut avouer que ça nique tout. Le temps ici ça m'étouffe. J'me barre d'ici, j'oublie tout. Tu cours jusqu'au dernier souffle. Trop jeune pour se caser, j'vais tout casser. Sur mon passage, j'vais tout froisser. C'est le gringo, gringo, fâché en sous-marin. Chez les keufs, j'suis pas fiché. Fichez-moi le camp, les MC, je l'ai fini. Non plus le temps, veulent détrôner Biggie. Tupac, dédicace mes potos, mon bled, mes frères, mon public. J'vous oublierai pas. J'prenne pas mon son, mec, je m'en bats. J'compte pas sur le rap pour gagner ma paix. Trop de frères partis, on vous oublie pas. Trop de frérots qui manquent à l'appel. Un jour t'es rien après le succès. Tu verras tout le monde qui t'appelle. Même les meufs qui te zappaient. Maintenant elles te rappellent. Même les meufs qui te zappaient. Maintenant j'vis ma vie tranquille, j'me plains pas. Un jour ou l'autre ça paiera. J'prends mon temps et j'te fuck, mec. Même si ça te plaît pas, faut avouer que ça nique tout. Le temps ici ça m'étouffe. J'me barre d'ici, j'oublie tout. Tu cours jusqu'au dernier souffle. J'vis ma vie tranquille, j'me plains pas. Un jour ou l'autre ça paiera. J'prends mon temps et j'te fuck, mec. Même si ça te plaît pas, faut avouer que ça nique tout. Le temps ici ça m'étouffe. J'me barre d'ici, j'oublie tout. Tu cours jusqu'au dernier souffle. La 25e, on est là, il est 23h26, on est là jusqu'à minuit. On va donner le micro, on va le donner tout doucement à Rizzo, le tonton Rizzo. Attendez, attendez, attendez, calmez-vous le tonton, calmez-vous. Ouais Rizzo, tu voulais dire. La petite chronique à Jojo, bonsoir à tous les auditeurs, on va enchaîner, petit débat ce soir car vous aimez tout ça. Merci à tous les frères qui suivent chaque semaine. De plus en plus, la 25e, on est ensemble. On est une petite émission qui tend à devenir très, très, très grand. On vous le cache pas. Et merci à tous les auditeurs qui, chaque semaine, viennent grossir les nombres de personnes qui nous écoutent dans toute la France. Big up à toutes les personnes de France qui nous écoutent. Gros big up à vous. Si, si. Dis-moi, Rizzo, quel était l'objet du débat d'aujourd'hui? Ce soir, on part dans un gros débat avec ma grosse équipe, ma grosse équipe, mon gars Jounès, mon gars Jounès, mon gars Edinho, la même équipe de tout. Les soirs, un gros big up à mon gars Marvin qui bientôt va nous rejoindre. Donc tous les soirs c'est débat, pas tous les soirs. Ce soir le gros débat, sur quoi nous allons partir? Nous allons partir sur un truc frileux que tout le monde il aime. Que pensez-vous de l'évolution du rap français? Le débat est posé. Que pensez-vous chacun de l'évolution du rap français? Du rap français depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du rap français? On peut partir de 95 à 2019. On s'en bat les reins. Chacun a un avis. Chacun a quelque chose à donner. N'hésitez pas à poster sur tout ce qui est Instagram, etc. Posez vos questions. N'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas. On est là. C'est gros débat ce soir. Donc, on va bien rigoler deux secondes. Bon, je commence à répondre à la question. Après, je propose que chacun réponde un peu, puis après, on se fight. Non, parce que je pense qu'on est quand même plus ou moins tous d'accord autour de la table, c'est ça qui est bizarre. Moi, en rap français, ma première expérience en rap français, c'était. On m'avait gravé le double album de Ruff, La Fierté des Autres. Donc, c'était. J'ai commencé avec ça, tu vois. Ça déchirait, tout ça. Après, je suis allé sur Booba, Panthéon. Ça déchirait, tout ça, tu vois. Après, il y a eu une époque cynique, tout ça, blablabla. Ça déchirait, tout ça, tu vois. Après, il y a eu une époque où, vas-y, tu vois, je suis plus parti en Amérique parce qu'en France, ça déchirait plus du tout, tu vois. Et puis là, il y a aujourd'hui où, vas-y, ça déchire plus rien du tout, ça pue la merde. C'est... Voilà. Comment ça évolue? Et en plus, tu le check. Non, ça évolue comme ça. Vas-y. C'est de la merde. Tout le monde rappe. Il y a plus d'auditeurs que de rappeurs. Tout le monde dit la même chose. Ils s'appellent tous pareil. Ils font tous les mêmes clips. Blablabla. Il n'y a plus rien. Tu voulais dire, il y a plus de rappeurs que d'auditeurs peut-être? J'ai dit quoi? T'as dit l'inverse. Non, il y a plus d'auditeurs que de rappeurs. Oui, non, il y a plus de rappeurs que d'auditeurs. Ouais, voilà. Ouais, excuse-moi, okay. Pardon. Tu vois, il n'y a plus le truc. À une époque avant, tu sais, t'étais rappeur. Vas-y, tu vois, t'avais un truc. Zama, tu sais écrire, tu sais faire des rimes, okay. Tu sais rapper. Ouais, maintenant, tu rappais pas par mode. C'est ça. Tu sais, parce que t'avais vraiment un vrai talent, tu vois. Maintenant, dans tous les quartiers, tu vas dans une salle de cours aujourd'hui, 6e, je suis sûr, tu trouves 15 rappeurs. Ben, disons que pour faire une différence entre les gens, ils disent souvent, ouais, l'ancien, la new school, la old school, tout ça. On s'en bat les couilles de la old school, new school. C'est pas ça le problème, c'est que maintenant, souvent, pas tous, mais souvent, ça rappe pour un jogging du Real Madrid, une taibou, un tapin et pilon, quoi. Exactement, ouais. On va dire pas tous, on n'est pas là à faire une généralité des choses. C'est quand tu vois que le tube, le numéro 1 en France, c'est quoi? C'est Chida, mais rap. Allez, casse-toi. Non, après dans le nouveau. Non, mais dans le nouveau, il y a du bon à prendre. C'est là où tu te trompes, c'est pas du rap, ça. Ah, ok, excuse-moi. C'est pas du rap, ça. On les classe dans la catégorie rap. Mais ça, c'est les gens qui sont des incultes, frère. Ça, c'est pas du rap, frère. Ah, gros. C'est pas du rap. Sofiane, c'est un rappeur. Eddie, le premier. Dis-nous-toi. Sofiane, c'est un gars, moi. Attends. Sofiane, c'est un bon gars. Sofiane, c'est un bon. T'écoutes le dernier album de Nekfeu, il y a un feat avec Vanessa Paradis. C'est ouais, que Vanessa ouais, Paradis, ouais. C'est une rappeuse. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah voilà. Après, mais après. C'est pas parce que t'es un rappeur que tous tes sons vont forcément du rap. Ouais, non, mais c'est vrai. Je suis d'accord là-dessus. Moi, je rejoins totalement Eddie là-dessus parce que, machin. Après, je trouve que l'album de Nekfeu, bon, reste pas l'artiste parce que chaque artiste qui met de la motivation à faire, mais je trouve que l'album de Nekfeu, il est surcoté parce que je le trouve un peu plat quand même par rapport à d'autres choses qu'il a fait. Je préfère son avec Esprit Noir par exemple, tu vois, ça c'est la zone, ça c'est là, tu vois, ce bail là je préfère ces mouvances là frérot, tu vois, bizarrement je préfère ces mouvances là, tu vois, parce que je trouve que son avec Esprit Noir, frère, il envoie plus de patates. Moi bizarrement je préfère les sons de Nekfeu quand il est calme. Ouais, calme. Comme le son avec Alpha One, comme Shum, comme ouais. Tu vois, je préfère Nekfeu quand il est après, comme ça. Frérot. L'album, il a tabassé. Ouais, frérot, moi je le trouve. La première écoute, frérot, j'étais en train de conduire. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit là, ce bâtard? Ouais, mais frérot, je préférais. Et je vais pas te mentir, hein, je préférais encore Cyborg. Je vais pas faire le mec, tu vois, j'écoute les mecs avant de parler d'eux. Je préfère encore Cyborg. C'est le bug. Je peux pas être jaloux en citant l'album du mec d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, Nekfeu, moi je trouve que son album Il était à Besançon la semaine dernière. Bah, jeudi dernier, il était à Besançon au cinéma parce qu'il sortait justement la première partie de son bail. Ah, il a fait à Besançon? Ouais, il était à Besançon jeudi. Et il a sorti justement au cinéma son court-métrage. Après, respect par rapport au travail qu'il fait. Mais si tu dois me poser la question, je préférais Cyborg au nouvel album, aux Étoiles Vagabondes, mais bizarrement, en fait, tu vois. Nekfeu, en fait, c'est pas un mec. C'est un mec qui fait du rap, quoi. C'est un des. Ouais, mais moi, je pense pas que ça soit le mec qui représente. Plus la différence entre le rap d'hier et d'aujourd'hui. C'est un mec aujourd'hui encore qui se casse les couilles à écrire, va chercher, tu vois, contrairement à beaucoup. Après, on n'est pas là pour citer des noms, hein. On n'est pas dans le clash, c'est pas une émission de bif, c'est un débat. Mais comparé à beaucoup, c'est encore un mec qui écrit. C'est un mec qui se casse les couilles. En parlant de buzz et tout, moi je suis juste dégoûté d'un truc, tu vois, c'est que il y a mon gros gars Gizzy Ouzou qui a sorti GPG2. Mais mon gros gars dédicace mon négro. Il est passé inaperçu. Frérot, mon négro Gizmo, on se connaît toi-même. Toi-même, tu sais, on se connaît, mon négro Gizmo. T'es venu ici, t'es mon refrain, on se connaît depuis très très longtemps. Gros big up à toi, mon négro. Il a sorti un gros morceau il y a pas longtemps, le Bougué, le Bougué Show. Après, moi, je suis pas là dans les bifs. Je suis pas des équipes qu'on cite, donc je suis pas là dans les bifs. Nekfeu, il fait son taf, mais je sais que Gizmo, c'est mon Renoir et gros big up à lui. Sur l'album de Gizmo, j'ai écouté. Il taffe beaucoup, gros. Après, il taffe beaucoup. C'est un mec, comparé à Nekfeu, Nekfeu, ça fait longtemps qu'il n'était pas là, il sort un album, bon, c'est propre. Et il est devenu mainstream, Nekfeu. Nekfeu aussi, il a la belle gueule, il passe bien, alors que Gizmo. On est d'accord, on est d'accord. Gizmo, et c'est ça qui fait la diff. Ah, une question que c'est ça qu'on fait la diff. Tu l'as vu, le court-métrage de Gizmo pour annoncer la sortie de son album? Non, mais. Moi, j'ai vu, hein. Il moi, a j'ai fait vu, un hein. court-métrage. Le bail est chaud, hein. Le bail est bien. Est chaud, mais le bail, vraiment une image de lui clochard, t'as capté? Bah ouais, frère, mais. Moi, c'est ça, je comprends pas. Moi, je préfère un mec qui se vende pas. Ouais, je préfère ouais, un mec après. Justement qui ouais, se ouais, vende pas. Ça. C'est un mec qui te dit, écoute, moi, ma vie, quelque part, parce que c'est on va dire, c'est une parallèle à sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me vanter, gros. Je fais un court métrage. Je vais te montrer comment la vie, quelque part, c'était pour moi. Tu vois, Nekfeu, j'ai rien contre lui, frère, mais je connais moins son cursus que Gizmo. On n'est pas là pour c'est faire des différences, parce gros. Que c'est pas parce on que big tu up tout le monde. Cursus que tu dois banaliser le monde. Frère, je sais pas, je banalise pas parce que je te dis, Nekfeu, il était là la semaine dernière. Donc on n'est pas là à banaliser justement. Et comme je t'ai dit, Nekfeu, c'est un mec encore qui se casse les couilles à écrire des textes. Ouais, Gizmo, mais se si t'écoutes Gizmo, il se casse les couilles de ouf, frère, à écrire des textes, par exemple. Mais on n'est pas là pour faire un débat sur les deux là. En général, je pense qu'en général. Par rapport à l'époque, on va prendre en moyenne, l'année 95-96, où il y avait certains rappeurs, et on va prendre aujourd'hui entre 2016 et 2019. Ouais. Que pensez-vous de l'évolution du rap? Il est incroyablement magnifique. C'est pourquoi? Parce à quel que quand, niveau? C'est pourquoi comme moi? Non, mais c'est pourquoi à moi quel je niveau, dis ça? Parce que moi, je suis pas comme tu sais, moi, je suis en fait la génération plus de maintenant. Mais justement, je suis encore la génération, bon. Quand j'ai commencé à écouter du Pura, t'as écouté des et trucs. Ben poteau, il n'y avait pas le choix. Hein. C'était Rof, Booba, Lafouine, L.I.M. point. Après moi, frère, de la rime. Voilà. Non mais tu vois, ouais, dans ouais, les non, médiatisés. Mais voilà, moi je suis extérieur, je suis pas dans le truc à dire. J'étais tu encore vois. Dans une époque où ben, tu sais, c'est Fiu, il avait lâché son dernier album là. Pas le dernier qu'il a sorti là, celui d'avant. Super lourd, hein, il y avait Turbo dedans en 2011. Même son retour à Fiu, il est super lourd. C'était des gens qui étaient sur la fin. Mais quand moi j'ai commencé à écouter le rap, c'est dire quoi? Moi je vois c'est des gens sur la fin, je kiffais ce qu'ils faisaient sur le moment. Je me suis dit je vais m'intéresser à ce qu'ils faisaient avant. C'est dire que ce qui se faisait avant, j'ai écouté, pas tout hein. Je vais pas ouais, te dire ouais. J'ai écouté tous les albums, je les connais par cœur parce que c'est pas ma génération. Mais genre moi, je suis pas, tout à l'heure on parlait de Kobalade, tu vas me regarder, tu vas me dire Ayam dissident, je sais c'est qui. Ouais, tu vois sûr. Ou pas ouais. Je vais pas être là hein. J'ai que t'as le petit mosset. Tu vois ou pas? Non mais c'est vrai. Tu vois ouais, je pourtant vois on est à peu dire, près de la même génération. Ouais, je vois. C'est-à-dire ce que t'as des dire. Gens qui s'intéressent à ce qui s'est passé avant et d'autres qui s'intéressent pas. Voilà, enfin, t'as compris. C'est pas il s'en bat les couilles parce qu'il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles parce que lui il fait du bif comme tu m'as expliqué l'autre coup. Moi Kobalade personnellement c'est pas un boug que je valide forcément. Mais par rapport à ton explication de la dernière fois que tu m'as dit ouais mais refrère c'est un Renoir il fait son bif. Et autant qu'il fera son bif, il continuera. Et demain, il fait pas son bif, il arrête. Tu vois ce que et je comprends plus ce que tu me dis sur lui, malgré que je le trouve bête. Je vais pas te mentir. Il est con. Frère, il est je con. Je le trouve. Il est con. Frère, niveau Vaucer. Je vais jamais te dire qu'il est intelligent. Et je vais pas te mentir, sans vocodeur, je suis pas sûr qu'il a sur un freestyle en 16. Tu vois. Mais après, je ne suis pas sûr. Je le valide pas. Je dis pas que c'est sûr. Je te dis que c'est de la merde. Y a beaucoup de gens aujourd'hui que grâce aux vocodeurs, ils existent. Mais si tu les casses autour du micro en 16, je suis pas sûr qu'ils suivent forcément. Parlons, lui, je sais que son gros gars là, c'est Alpha Wayne. Non, non, Alpha non, Wayne, non, non, la non. Salope okay, du 7-5. Okay, okay, okay. Non, mais tu vois, tu sais, okay, non, mais concrètement, okay. Non, mais attends. Non, c'est une émission un sans truc, il n'y a pas de coucou, on n'insulte personne. On va remettre les choses, tu sais, d'équerre et tu vois, direct, tu vois ou pas. Quand on parle de quelqu'un comme Alpha Wayne et qu'on me dit que le mec il est trop fort, il est bon! Il est bon. Je vais pas dire qu'il est nul. Casse des gueules. Il est bon. Dans le son de Nekfeu, là, l'album de Nekfeu, il a fait un feat avec Nekfeu, il casse des bouches dans le son. Tous ses feats mais, avec Nekfeu. Mais, moi je trouve que ce gars-là, surcoté sa mère la pute, bah je vais te dire pourquoi, tu sais pourquoi? Parce que ce gars-là, pour moi, il fait un style de rap qui est quand même à l'ancienne, tu vois, c'est old school, new school, c'est mixte. Tu vois, genre en gros, il a les codes de l'ancienne école. Et il le fait en 2019, tu vois, parce que je veux dire. Non, mais à la base, faut pas mentir. Je vais te dire pourquoi il est surcoté. Il vend pas. Pour moi, il est surcoté. Non, mais surcoté par les gens comme, par exemple, comme toi qui écoutais le rap depuis avant et tout. Moi, je trouve que sincèrement, Alpha One, me dire que quand je l'écoute en interview, ce mec, il dit quoi? Ouais, maintenant, je suis content. Au jour d'aujourd'hui, je suis devenu un bête de rappeur. Arrête, arrête, poteau, après, arrête, t'es pas un bête de rappeur, gros. Après, flingué, moi, personnellement, t'es flingué. T'es flingué. Tu fais allusion à la fois où je t'ai dit que Alpha One, c'était un des albums que j'avais plus aimé en 2018-2019. C'est dans mon top. Non, mais quand je te dis ça, c'est même pas par rapport à toi, parce que j'ai des poteaux à moi qui le kiffent trop. Mais gros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, en fait, ils pratiquent un rap qui se pratique plus et c'est quasiment le seul à pratiquer. Il est bon. Bah, il est. Et voilà, il est bon. C'est réfléchi. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il sort pas du lot, frère. Ce gars-là, il aurait été dans les années 90 à kicker, il aurait été foin. Après, soyons francs, et quiconque m'écoute aujourd'hui viendra me dire demain, ouais, Rezo t'a dit ça, mais c'est pas vrai, et c'est vrai. Alpha One à la base, c'est Danny Dan. Arrêtez les mecs. Oui. Merci. Ne faites pas de trucs. 95 à la base, c'est que des Hill des X-Men, c'est des Danny Dan. Des flows qui n'étaient plus employés et qui ont été remis au goût du jour quand ils sont arrivés. Maintenant, ce que je respecte, c'est que les mecs, avec le temps, moi personnellement, en 2010, j'étais au End of the Week ici à Besançon. Gros, j'ai fini deuxième entre Alpha One et Nekfeu. Donc personne va dire ouais, Rizzo, t'es dans un bail. Non, je suis pas dans un bail, gros. Je suis pas dans un bail. Je pense que la vérité, c'est que c'est des personnes à la base qui sont arrivées avec des flows à l'ancienne qui n'étaient plus faits et que avec le temps, ils ont réussi à prendre leur propre évolution, leur propre truc et à nous sortir des albums. Maintenant. Voilà, c'est une base, gros. C'est une base. Moi, je suis là à te parler d'une base. Je suis pas là à faire Tous les rappeurs sont fils de quelqu'un, tu vois. Frérot. Alpha One, c'est très vrai. Et c'est vrai, non, mais gros. C'est un autre book. C'est il, frère. À la base, c'est il. Moi, n'importe qui, même 95, ils peuvent venir demain autour de la table. Il y a rien. C'est en tant que chroniqueur, j'ai une idée. Et ce que j'ai écouté en tant que mec à un certain âge, quand 95, vous êtes arrivé, vous aviez tous le flow d'un mec à l'ancienne qui se faisait plus. Alpha One, c'était Danny. Nekfeu, c'était Hill. L'autre, encore son autre boug là, machin, c'était encore un autre truc. Voilà, tu vois. Donc, mais c'est pas une critique. C'est des petits qui sont arrivés avec un respect quand même du hip-hop à l'ancienne et que c'est des mecs qui se cassent les couilles à écrire. Quand beaucoup, ils te chient des putains de papier cul et qu'ils te l'enroulent autour du bras et qu'ils te le jettent dans les toilettes. Tu vois, il faut quand même laisser ça. RTZ, j'ai bien aimé l'image. Récemment, il y avait une polémique sur les top liners, là, les machins là, qui se revendiquent un peu, enfin, qui veulent un peu plus de reconnaissance. C'est un peu normal que ces mecs-là veulent un peu plus de reconnaissance. Parce que dans les textes, il n'y a plus que des mélodies et des refrains, tu vois. Mélodie, refrain, instru. Donc c'est ça. Avant les mecs ils parlaient d'un truc. Après moi ce que je trouve dommage sans truc, ce que je trouve dommage c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui par contre c'est pas souhaité du mal. Je suis content qu'on big up ces mecs là comme Nekfeu, Alpha One et d'autres, tout ça. Mais il y a des mecs comme Ron Bryce. Si je te dis Ron Bryce, tu vas te dire ouais mais c'est qui ce boug là, tu vois. Si je te dis si je te dis Bonkar Jones, tu vois, je vais te sortir des blasts, gros. Que les gens, il y en a qui connaissent tout ça, mais qui tapent 4 fois plus gros la prod en boom bap que ces bougs-là qui sont mis devant. Pas forcément Nekfeu ou Alpha One, mais en général, il y a des mecs dans l'ombre qui te, je t'assure, ils te mettent des coups de tête à la prod jusqu'à enfoncer un crâne. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que les gens aujourd'hui sont orientés avec les radios, les streams, tout ça, machin. Mais que si tu prends la base, tu réunis des mecs dans la hure autour d'un rond en tapant des freestyles, eh ben, tu verras la valeur du mec au nombre de mecs qui vont venir taper le freestyle quand t'as des prods qui leur correspondent pas. Moi, personnellement, tu me mets de la trappe, je vais venir t'enculer le truc. Je m'en fous. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Alors qu'à l'inverse, va voir si des mecs de la trappe, ils vont taper du boom bap. Non. Je me rappelle quand on le voit là en freestyle ici même dans cette salle. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Voilà. Tu te rappelles le jour où Chao il avait mis une instru boom bap. Il y avait deux jeunes qui tenaient un micro là. Braza il avait un micro. Tout le monde est parti. Il y a que Braza qui a gardé le micro. Ben moi j'ai dit quoi, nique sa mère. J'ai pris le micro. Personne voulait le prendre. Mais oui. Mais toi t'as l'habitude. Personne voulait le prendre. Mais en constat général, il y a beaucoup plus. Par exemple. En constat général, il y a plus de mecs du boom bap qui vont kicker de la trappe que des boucs qui ont toujours kické de la trappe qui vont kicker du boom bap. Parce que les mecs du boom bap ils se disent ah viens je m'essaye un peu. Ah ça dépend. Ça se trouve ça. Dans les rappeurs qui ont percé, frérot, dans les rappeurs qu'on percé, je suis pas là à citer des noms, hein. Je suis en général, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Dans les rappeurs qu'on percé de la jeune génération, tu prends par exemple un mec comme Ninho. Oui, mais il a là les freestyles Ninho, sur YouTube, frérot, sur des instruments à l'ancienne. Pourquoi YL, pareil. Ouais, hein. Mais YL, pareil. Ouais, mais ça, même Huss, tu me cites tous des mecs, tu me cites tous des mecs en fait, qu'ils n'ont pas connu que la trappe. Ouais, c'est des vrai. Mecs qui t'ont enculé le boomba, frère, ouais, à sortir. Pourquoi? Parce que c'est des mecs de rue. Parce que c'est des mecs qui ont du pécule, qui ont des trucs à raconter. Et quand t'as vraiment beaucoup de trucs à raconter, frérot, généralement. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est des mecs, ils ont enculé le boom bap, ils sont arrivés sur la trappe. Mais si tu prends des petits frères qui ont toujours connu que la trappe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mais vrai. Que ça, hein. Ouais, ça veut dire, ils ont une rythmique bien prédéfinie sur la trappe. Demande-leur à kicker du boom bap, ben, comme ça, puisse vérifier, ils vont fuir. Ça, c'est ils pas vont fuir, ça, frère. Pour moi, c'est pas des rappeurs, hein, clairement. Ben, frérot, personnellement, c'est pas une critique, mais moi, c'est un constat. C'est des trappeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour des une trappeurs. Fois, je suis d'accord avec lui. On est... Non, pour mais une on fois, est je suis d'accord avec lui. Tu vois mais moi, je suis pas là pour. Serrez-vous la main. C'est vrai. Non, mais. Je suis pas là pour descendre des boucles. Voilà. Je suis pas là pour descendre personne. C'est une chronique. Je suis pas là pour descendre personne. Mais si je dois faire un constat, on est en termes de constat en général sur le truc, frérot. Tu vas constater que des mecs du boom bap qui ont kické le boom bap, ils iront sur la trappe. Mais des mecs qui ont connu que la trappe, hein. Je dis bien que la trappe. Pour aller sur boom bap, frérot, ils vont fuir. Ils comprennent pas le truc. Il y a un autre élément aussi de l'évolution du rap que j'aimerais aborder. Avant, à l'époque, j'étais un buté. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire. J'étais un buté du Planète Rap à 20h là, sur Skyrock. Ouais, ouais. Avant, ça mettait des instrus, ça kickait. Là, il n'y a pas longtemps, dans la voiture, je suis retombé sur le freestyle du Planète Rap. Ouais, je sais ce que tu vas dire, je vois. Et les mecs, ils arrivent avec leur prod et leur bass. Ouais. C'est un truc. Les bacs, elles sont déjà faites. Ouais, ils sont déjà et ils sont non, là. Mais... Limite, en fait, c'est eux qui font les bacs, elles sont, il est déjà calé. Ouais, non, mais alors là-dessus, le pire, moi, que j'ai à dire, c'est les freestyles en playback. Alors là, je suis désolé. Je dois pas prendre position. Normalement, c'est mon émission. Mais là je vous le crache à la gueule, les mecs. Tous les mecs qui tapent des playbacks en freestyle sur leur son. Mais stop, arrêtez. Ça part trop loin. Ça part trop loin. Même sur scène, vous cassez du playback. Je préfère même que le mec, il ait été le. Frérot, je préfère que tu te trompes. Je préfère que t'aies 4 mesures de trou, que tu te souviens pas de ton texte, mais que tu le paieras, plutôt que tu viens me faire un truc avec tes bacs, ton acapella, gros. Je suis désolé, frérot. Non, on n'est pas. Non. Et c'est ça, en fait. Voilà la différence entre le rap d'hier et d'aujourd'hui. Ben, par exemple, là, ça joue beaucoup. Parce que, bon, après, on n'est pas là, on fait pas de concurrence, on parle pas d'autres radios. Donc, on n'est pas là à parler d'autres radios. Nous, c'est Radio Sud, on est bien, on fait nos trucs, Besançon, gros big up, et on n'est pas là à faire d'autres. Mais, les MC qui arrivent en radio, en playback, non, les mecs. Non, les mecs. On a déjà laissé beaucoup de trucs passer. Là, ça va aller quand même. Moi, je voulais dire quand même un truc par rapport à l'évolution du rap. On en avait parlé justement à Radio Campus. Oui, tout à fait. C'était plus évidemment que moi, je suis de ceux qui disent que ouais, le rap, quand même, d'un côté, c'était mieux avant. Tu vois, si on parle de rap. Ouais, rap vraiment pur et dur. Ouais, pas de pop voilà, urbaine. Si on revient aux origines du Péra, évidemment que aujourd'hui, pour moi, on y est de moins en moins. Mais par contre, l'exposition médiatique, elle a jamais été aussi forte. Mais parce que c'est pas du ouais, rap. Ouais, non, mais bien sûr. Mais regarde, hier, pas du rap. Pour donner un exemple, je voulais partir à la base de début de mon truc sur un exemple. À la base, tu prends le rap, il y a 5, pas besoin de partir à 10 ans, il y a 5 à 10 ans de ça, on va dire en moyenne, le rap, selon les gens, c'était une musique d'illettré. Tu vois, en France, c'était un truc comme ce FDP, pour ne pas dire de gros mots à la radio, de Zemmour, disait, ouais, c'était un truc d'handicapé. Bon, en même temps, c'est Zemmour, donc en termes d'handicap, on n'a pas mieux. Mais je veux dire, aujourd'hui, le rap en France, c'est une des musiques les plus écoutées. Mais okay c'est pas du rap. Mais sauf que le problème, c'est que c'est pas du rap, c'est un business. C'est devenu un business, c'est devenu un fonds de commerce. Le frérot Balou, gros big up à lui, Balou de génération qui est passé au KLM, tout ça. Comme disait Balou, c'est plus, en fait, si tu veux, les mecs, ils vont plus écouter des sons. Ils vont sur YouTube, ils voient qui fait 100 000, qui casse 100 000, peu importe, hein, qui les a pétés ou pas, et ça signe. Et c'est vrai. Et moi, je suis plutôt d'accord. Je rejoins le frérot là-dessus. Je suis plutôt d'accord. Parce que aujourd'hui, c'est plus du talent. C'est plus une question de talent. C'est le mec, il peut te chier dans une boîte, de putain de papier cul. Si tu casses du 100 000, 200 000, on va te signer. Alors que ça dépend quel label ça après. Non mais il y a des labels, ils misent plus sur les longs termes que d'autres. Non mais tu vois, on sait de qui on parle. Mais je veux dire alors que des mecs qui écrivent des vrais textes. Mais après, je comprends si les petits frères. La vie, elle est difficile. 2019, elle est plus difficile que quand nous, on était petits. Nous, on était dans la rue en 96. Les petits sont dans la rue en 2019. Ça n'a rien à voir. Et je comprends tout à fait qu'ils peuvent s'identifier à des artistes qui leur racontent des trucs. Mais le problème, c'est que j'aimerais dire aux petits frères, les petits frères, vous faites plus que tous ces mecs qui vous racontent des bails. Ces mecs-là qui vous racontent des bails, ils cassent des disques d'or, ils bouffent dans des restaurants où tu vas jamais bouffer, frère. Alors que toi, t'es sur le rinté, t'es en train de bibi. Soit t'es dans la rue, soit t'es dans la rue. Non, mais frère, les mecs qui vous racontent des trucs aujourd'hui que vous validez, c'est des mecs, vous faites plus que. Non, mais frérot, on va dire en général. Ça dépend. Ouais, dis-moi qui, donne-moi un exemple. Booba, là, il te parle de rue, il te parle de rue. Non, je parle pas de Booba. Des mecs. Mais si t'écoutes bien Booba dans ses textes de maintenant. Ah, il parle peu, pas trop la rue, c'est plus la cité, tu vois. Moi, les mecs que je valide aujourd'hui qui paient à la rue, c'est des mecs comme Niro, par exemple. Tu vois, Niro, je le valide totalement, frère. Niro, c'est un mec, il est là, il a jamais changé de ligne de conduite. Ça veut dire, il a fait son buzz en rappant des trucs. Mais pour toi, le rap, c'est un truc de rue ou pas? À l'heure qu'il est? Pour toi. Non, mais en soi, le rap comme tu le revends, le rap comme tu le revendiques. Moi, quand j'étais petit, ouais, c'était un truc de rue. Ouais, donc maintenant, attends. Alpha One, c'est un gars de rue maintenant? Non. Non, pas spécialement. Mais pas frère, mais si on dit. Il a rien à voir avec la rue, mon gars. Frérot, si on dit Nekfeu, il a rien à voir avec la rue. Tu dis Alpha One, mais Nekfeu, il a rien à voir avec la rue. Ça n'a rien à voir avec la rue. Mais c'est ça la direction qu'ils ont donnée. Frère, c'est ça la direction qu'ils ont donnée, frérot. Non, mais c'est dire que le Pélo, il fait du rap à l'ancienne. Donc en fait, c'est bien, mais il est pas dans le move, il est pas dans la street. Frérot, il y a même des mecs de rue. Tu préfères un mec de rue qui fait de la merde comme frère baladé. Frère, il y a même des mecs de rue. Je préfère un mec de rue qui fait de la merde, qui dit vraiment des choses qu'il a faites et que c'est vraiment un gars de la rue qu'un mec qui est pas de la rue. Frérot. Les trois quarts des rappeurs aujourd'hui. Regarde la différence entre à l'époque et aujourd'hui. À l'époque, les gens ils rappaient ce qu'ils vivaient. Ok, ouais. Ça veut dire ce qu'ils vivaient, mot à mot. Les trois quarts des rappeurs aujourd'hui, ils rappent ce que leurs boug ils font. Ouais. C'est ça la différence. Demande à deux. Ils rappent ce qu'ils voient. Ils rappent ce qu'ils voient, frère. C'est ça. Déjà, y a un truc, en majorité, mais pas tout le monde. Truc, je pense qu'il y a un truc qui. Je fais pas une généralité. Il y a un truc qui fait quoi aussi, je pense, c'est que même à l'ancienne, il y avait des gens, ils rappaient ce qu'ils faisaient pas. Mais tu sais quoi la différence aujourd'hui? Tu sais c'est quoi la différence? On sait c'est qui, on sait de qui non, parle. Non, mais Rizzo, mais même, dis-moi, ose me dire que ce que je vais te dire c'est faux, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un rappeur, c'est un guignol, il a jamais rien fait de sa vie, il va percer, il va venir raconter des trucs. Avec les réseaux sociaux, tu peux tout retrouver. Tout le monde sait qui t'as été avant de rapper. C'est vrai. Et la vérité, elle va éclater au grand jour. Alors qu'avant, dans les années 95. Tu pouvais sortir de n'importe où, tu t'inventais un vécu. Tu pouvais sortir un pécule de... Tupac, ça a jamais été un thug. Hein. C'est lui qui a inventé thug, il faisait du théâtre, il dansait avec des tutus, hein, mon frère. Frère, il a quand même, il a quand même tiré sur un bouc quand brouillait un autre mec. Tu vois, donc entre lui, c'est thug le rap, et thug, entre thug et thug, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, je suis pas un mec de la West Coast, je suis un mec de New York. Non, mais attends. On va t'interdire de parler. Quand je te dis Tupac, c'est un gars, c'est le rap qui l'a rendu ghetto, frère. Avant de faire du rap, il était pas ghetto, ce gars-là. C'est pas comme Biggie, hein. Biggie, il était dans la street. Ose me dire que Tupac il était ghetto avant de faire du rap. Christopher, c'était un mec qui a 14 ans. Non mais frérot, sa mère a dit. Non mais on va dire les choses comment elles sont. J'ai lu Christopher, sa mère, elle a Christopher, c'est un mec qui a 14 ans. Il travaillait dans une petite boutique. Le mec qui l'employait disait Christopher, il était gentil, frérot. Faut pas faire frère Christopher Wallace. Mais je t'ai pas dit. Non, il était très gentil. J'ai pas dit que c'était le baron de son quartier. Il était très gentil. J'ai pas dit que c'était le baron de son quartier. Il était gentil. Des mecs comme Tupac, ils vont dire les détracteurs vont dire ouais Tupac il faisait de la danse. Ouais ben Tupac il allumait des keufs. Mon frère il a tiré sur des keufs parce qu'ils ont manqué de respect à Renoir, qu'ils étaient en train de faire une bavure dessus. Il faut le rappeler quand même. Ouais, mais je dis pas le contraire. Donc, entre Thug et Thug, non, moi mais attends, je sais pas. Mais lui, tu sais très bien, c'est le rap et la popularité qui l'a rendu Thug, ce gars-là. Frérot, quand tu tires sur des keufs en civil parce qu'ils sont en train de maltraiter un noir. Mais c'est les States. Frérot, tu sais très bien. Frérot, tu sais très bien que dans la communauté noire, tout le monde est en train de dire ouais, on chie sur les noirs, mais on n'est pas solidaire entre nous. Ah, je m'en bats les couilles. Tu vois, un Renoir qui tire sur des keufs parce qu'ils sont en train de victimiser un autre Renoir. C'est justement pas là, là le débat non, mais... de rap avant maintenant, il part en couille là, ça parle des... oui, du oui. racisme et frère, tout. Frère, là, non, tu mais... pars loin, il est en milité. Non, mais bon. Oh, frérot, tu me dis, Tupac, c'est pas un thug. Frérot, tu me dis. Je t'ai dit, c'est le rap qui l'a rendu thug. Tupac, c'est le rap qui l'a rendu thug. Et Christopher, c'est un thug. Christopher, c'est un mec. Non, je t'ai pas dit ça. Là, tu transformes que ce que je dis. Non, t'as dit qu'il était plus dans la rue. Je t'ai dit, il était plus dans la rue que Tupac, c'est tout. Avant de faire du rap, je te parle. Tupac, c'est le rap qui l'a mis dans la rue, gros. Frérot, moi, je vois pas ça. Je vois au geste, à la gestuelle des mecs. Non, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire. Parce que à ce compte-là, si on parle de rue, vraiment de street à la base, dans le rap français, on est parti. On est parti dans le 15e, 16e arrondissement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça valide des mecs aujourd'hui qui n'ont pas de pécule. Tu vois, il y a des mecs dans le rap français aujourd'hui, ils n'ont pas de pécule. Déjà, par exemple, un truc tout court, avant, tu sais, les rappeurs, ils perçaient vers quel âge ta génération? Ma génération, ça c'est des mecs. Percé vers quel âge? 25 ouais, ans. Mecs qui... Non, c'est des mecs qui perçaient à 17, 18 ans. Tu vois, Arsenic, ils ont pas tôt, hein. Par exemple, t'as la Clica ou Arsenic qui faisait partie. T'as la Clica, t'as Arsenic. Ah, parce que je vois tous ces t'as groupes. T'as même Lunatic, hein, tous gros. Tous ces groupes, je les connais, mais je sais pas à quel âge c'est. T'as des mecs comme Eliem, frère, ils t'ont enculé des morceaux à 15-16 ans ou à 9 ans déjà. Morceaux d'Eliem, à 9 ans déjà, ils te parlaient de la rue. Moi, je te dis alors pas, qu'il avait non, 9 ans. Je te dis pas. Où ils étaient forts. Je te demande quand ça a vraiment pété. Ouais. C'est niveau national. Bon, à l'époque, ou pas, frère, vers quel âge à l'époque? Ça pétait plus tard qu'aujourd'hui quand même. Parce que, voilà, ça pétait pas à 15-16 ans. Ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça devient abusé. 17-18 ans, ça pète sa mère. C'est devenu un truc normal. Qu'au balader, en vrai, on dit. Il a percé à 17 ans. En fait, si tu veux, moi, je pense qu'aujourd'hui, et personnellement, mais c'est personnel, ça n'a pas trop de trucs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, signe des mecs qui sont pas prêts à faire comme Ice Cube dans NWA. Je te dis la vérité, c'est que ils signent des mecs, qu'ils leur proposent des trucs et que c'est pas des mecs qui vont venir péter tout un bureau pour une histoire de bif. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et c'est, mais par contre, c'est des mecs gentils. Par contre, c'est mon avis. Par contre, c'est mon avis. Ils veulent plus les labels, ils veulent plus saigner des thugs et des mecs qui sont prêts à leur foutre sur la gueule au bureau devant tout le monde. S'ils ont pas le bif, ils les signeront plus. Ils veulent signer des mecs dociles ou alors. T'as certains mecs qui sont signés comme Sofiane. Sofiane, c'est mon boug. C'est pas parce que c'est mon boug, mais c'est la vérité. Ils vont signer des mecs comme Sofiane qui vont dire bon, ben, mes conditions, c'est ça, ça, ça. Par contre, le mec, il va pas faire crari. Il va dire mes conditions, c'est ça, ça, ça. Ok? Si mes conditions, elles sont pas un truc, je signe pas. Mais tu sais, c'est quoi la différence? Tu vois? C'est qu'un gars comme Sofiane, il a galéré des années avant de percer. Ah, frère, Sofiane, ça fait 20 ans qu'il aurait dû percer. Mais tu sais, une fois qu'il a signé. Il a fait bien. Il avait déjà un buzz de bâtard. Bien et sûr, je pense que c'est plus sûr. Facile de venir à la bien table sûr. De ces gens-là et, quand t'as un buzz d'enculé. Et un buzz mérité, pas un buzz volé. Ouais. Parce que bon, on va pas citer de nom, mais il y a beaucoup de buzz volés aujourd'hui. Non, mais frère. Tu vois, ces gens-là, imposer tes conditions quand t'as déjà ton buzz, c'est certainement plus facile que quand t'as un petit peu de 17-18 ans et ils se disent, ouais, ça va être une frérot, marionnette, on va faire chier. Je pense que, tu vois, c'est quoi, dans le rap, il y a eu plein d'artistes oubliés. Il y a eu plein d'artistes qui avaient du putain de talent, frère, qu'on n'a pas voulu signer. Pourquoi? Parce que les artistes, ils étaient trop thugs. Parce que c'était des artistes qui étaient capables de venir casser une table à coups de batte de baseball en deux dans les gros bureaux de tous les majors qui jouent les oufs. Zifou. Tu vois ce que je veux dire? Colonel Riel. Non, mais voilà. Ouais, faut dire des noms. On est d'accord, gros. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs comme Salif qui ont quitté le rap. Des mecs comme Salif qui ont quitté le rap. Alors que Salif, au niveau du rap. Gros, tu le mets au-dessus du soleil. Ouais, ben. T'as le soleil, t'as Salif et en dessous, c'est le soleil. Ah, il doit avoir chaud, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et des mecs qui ont quitté le rap comme ça, c'est parce que c'est des mecs, ils ont dit quoi? Non, c'est bon, ça y est, stop. De plus en plus, t'avais des princesses Sarah et des Barbie qui sont rentrées dans le truc, qui n'allaient pas casser d'étape, frère. Quand t'as des équipes qui ont émergé. Non, mais c'est vrai. Attends, pardon. Ding, ding. Octogone. Deuxième round, c'est parti. Princesse Barbie, Princesse Agnès. Non, mais princesse, c'est pas. Toutes les princesses. Non, mais c'est pas Octogone, ça, frère. Octogone. Princesse Agnès, gros big up à elle. Princesse Agnès, gros big up. Non, je rigole, gros big up à elle. Parce qu'aujourd'hui, t'as des meufs comme Princesse Agnès qui rappaient. Et t'as d'autres go qui rappent aujourd'hui. C'est pas que je veux pas. C'est que quand je t'écoute. Je sais pas, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de truc. Bah oui, et c'est oui, pas la trappe qui change ça, parce que t'as des mecs sur la trappe, ils t'enculent le bordel, frère. C'est un problème de société aussi, on va encore plus profond. C'est une évolution, on est à autre. Moi je pense que c'est plus ça qu'un problème de rap. Comme tu dis, c'est plus un problème de société que de rap. Parce que comme il dit, t'as des gens qui font de la trappe, ils disent des trucs qui ont un sens, tu vois ou pas? J'ai l'impression que tout devient plus bête, moi, tu vois. Oui, ah bah oui. La société devient bête, le rap, il devient bête. Rien que quand tu avant le soir, moi, quand je rentrais, c'était en mode c'est pas sorcier, tout ça, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, et ouais, là, je rentre le soir, c'est en mode les anges, les machins. Bah, tu vois que ça bouge et puis les gens sont, ouais, deviennent bêtes, quoi. C'est une volonté. Exactement. Je suis d'accord avec lui. Le rap, maintenant, ils sont faits pour éloigner les esprits des gens, les égarer. Les gens, ils s'en battent les couilles d'entendre la vérité dans leurs oreilles. Ils veulent oublier, ils veulent sortir en boîte le samedi, oublier leur travail toute la semaine, métro, boulot, dodo. Ils s'en battent les couilles, ils veulent oublier. Parce que je te cache pas qu'écouter du Mehdi, à un moment, tu dis « Ah, c'est bon, frère. Ah, vas-y, casse-moi pas les couilles. Ah, je suis allé à l'école, c'est bon. » Surtout des mecs qui prônent. Et puis au final, gros, voilà, t'es plus américain que du reste. Tu vois. Mais bon, sur Medine, sa barbe, plus il avance, plus. Enfin bref. Tu connais. Le... On va pas citer l'auteur du truc. Moi, j'avais une autre question par rapport au débat de tout à l'heure. Là, ça parlait de rap et de rue. Tu vois, de rap et de vécu. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'un bon rappeur, c'est un bon thug? Non. Est-ce qu'un bon thug peut être un bon rappeur? Je la pose dans l'autre sens. Est-ce qu'un mec qui n'est pas du tout thug, il peut être bon rappeur? Ben ouais. Ben alors, c'était quoi ce débat-là? Parce que regarde, un rappeur, c'est non, quelqu'un... Attends. Faire du rap, c'est avoir la technique, comprendre les codes, en fait. Donc, tu peux très bien comprendre tous les codes et faire ça parfaitement sans être un thug, machin. Alpha One, il a compris tous les codes. Quand je dis, bon, en fait, je dis thug, mais c'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Moi, je pense que soit t'es un voyou, soit t'es un rappeur. Donc après, il y a des variations où tu peux avoir été voyou et le raconter après dans le rap.